Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset. Alors c'est une petite pièce, ça va assez vite, 40-50 pages. On se lit très bien. Il y a quelques monologues quand même avec des tournures qui sont parfois un peu difficiles pour moi à comprendre. Je pense qu'il y a à la fois des références, des tournures de pensée, des syntaxes même. Bon, elles sont quand même assez minoritaires, et puis en relisant deux, trois fois, souvent on comprend. Mais, pardon, certains, effectivement, enfin, monologues. En fait, c'est plutôt quelques répliques longues. Il y a des répliques de dialogue et des répliques longues qui peuvent faire 20 lignes, bon, où un personnage parle, entre guillemets, un peu seul. Mais jamais vraiment seul, d'ailleurs, hein. Et donc ces petits monologues-là sont parfois un peu subtils, parce que là on sent que il s'amuse à dire quelque chose, là, Musset, hein, voilà. Alors l'histoire c'est assez simple, c'est Coelho, alors je sais pas comment ça se prononce malheureusement, mais Coelho, qui est amoureux de Marianne. On ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, mais enfin il l'a vue. C'est un amour assez. Il a le béguin, quoi, parce qu'il l'a vu seulement, il lui a pas parlé, ça va pas très loin quand même. Enfin, il est amoureux d'elle, et puis il est amoureux à mort, quoi, hein, le romantique. Là, Musset d'ailleurs, c'est le siècle, hein, il est romantique quand même, hein, né 9 ans. 9 ans après Hugo, voilà. Donc en 1810, parce que c'est pas sûr que je me souvienne, hein, plus tard. Enfin, voilà. Donc, Coelho, romantique, aime Marianne, sans la connaître. Et son ami passe là, Octave. Alors, il lui demande de l'aider. Mais Octave, c'est un fêtard qui s'attache à rien, mais qui a une grande, grande estime pour Coelho. Donc, il veut l'aider. Et il doit plaider la cause de Coelho auprès de Marianne. Voilà. Il a aussi utilisé les services d'une vieille dame, dont j'ai oublié le nom, mais elle a un petit rôle, qui a fait la même démarche avant. Ça n'a pas marché. Mais là, donc, c'est Octave qui va s'y coller. Alors, il se trouve que Octave est le cousin du mari de Marianne. Mais enfin, un cousin, hein, oui. Ils se connaissent à peine. Le mari de Marianne, c'est un vieux juge, donc c'est le mari qu'on peut pas aimer, quoi. Hein, c'est voilà. Et lui, il a peur d'ailleurs que sa femme le trompe. Voilà. Normal, elle est jeune, il sent bien qu'il a rien pour l'aimer, qu'il a rien pour lui plaire. Marianne, elle est vertueuse, c'est une grenouille de bénitier. Mais ouais, enfin bon, effectivement, il se trouve que finalement. Elle n'est pas aussi vertueuse qu'on pourrait le croire. Voilà. Alors, donc Octave défend les intérêts de son ami. Alors, qu'est-ce que je. Il y a des petits. Le scénario, il brille pas par des rebondissements vraiment savants. Donc, je vais pas détailler ça. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que petit à petit, Marianne qui ne voulait pas parler à Octave finit par l'écouter. Voilà, ça c'est une chose déjà. Suite à ça, son mari, alors elle se plaint auprès de son mari en disant au début, oh mais ne laissez jamais entrer dans notre maison un certain Octave et Coelho parce que il me cherche. Ils veulent me séduire, enfin bon, Coelho veut me séduire via Octave, faut pas laisser rentrer dans la maison, moi je n'ai que faire de ces deux hommes-là. Le mari croit qu'elle lui ment, hein, quand on est retors soi-même, on pense que l'autre l'est, donc forcément il n'a pas confiance. Et grand mal lui en a pris parce que Marianne se vexe. Il commence à la menacer, le mari, et donc elle se vexe. Du coup. Elle veut trahir son mari. Bon, voilà, les caprices de Marianne. En même temps, alors, parce que là, je crois que je raconte d'une façon vraiment confuse, mais Octave plaide la cause de Coelho. Marianne le repousse. Se plaint à son mari. Son mari la menace. Elle, par mesure de rétorsion. Et aussi, pas seulement, pas seulement. Elle écoute de plus en plus Octave quand elle le rencontre dehors, hein. Bien sûr, pas chez eux. Enfin, bien sûr, je crois qu'une fois c'est chez elle aussi. Bon. Bref, et Octave défend son amie. Et puis elle défend sa liberté de femme. Alors ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est relativement progressiste selon moi. Le fait de, c'est pas parce que. Enfin, ça casse un peu le cliché du un peu shakespearien. Tout à coup, on vient vous dire que quelqu'un vous aime. Ah, je suis transporté. Bon, en général, on connaît la personne. Là, elle reconnaît qu'elle connaît pas la personne. C'est ce qui ajoute à l'absurde. C'est un amour à sens unique. Bon. Mais enfin, ça casse un peu le mythe de la réciprocité, du il m'aime donc je l'aime. Bon, ça casse un petit peu ça. C'est le côté un peu, pour moi, un peu moderne de l'approche. Et donc, Marianne défend un peu son libre arbitre. Voilà, tout simplement. Mais ce faisant, elle parle à Octave de plus en plus. Et Octave défend son ami. Octave, il est plutôt sympathique parce qu'il est. Il n'a pas d'orgueil. Non. Au contraire, il se diminue son prestige, hein, volontairement. Il n'a pas d'orgueil. Mais au départ, bon, il est léger, et puis c'est Coelho le héros. Mais Coelho, on le voit peu, en fait. C'est un personnage secondaire, en fait, finalement. Et puis Marianne, alors là, c'est là qu'il y a un dialogue. Elle finit par dire à Octave, bon, je veux me venger de mon mari, voilà, il m'énerve. Alors finalement, je vais aimer celui que vous voulez. Celui que vous choisirez. Mais pas Coelho. Parce que j'en ai marre, hein, Coelho, moi, un mec qui peut pas venir me voir lui-même, etc. Tout ça, bon, c'est pas possible, hein, Alors on sait pas s'il y a de vrais arguments pour que ce soit pas Coelho, parce qu'elle sait rien sur lui, si ce n'est un énervement, parce que c'est quand même, bon, suite à ça que, voilà, caprice. Et puis, plus finement, elle tend une perche à Octave. Tout sauf Coelho, ça veut dire vous. Parce qu'elle lui dit, trouvez-moi quelqu'un et amenez-le-moi, et je serai à lui. C'est un peu osé, quand même, hein, surtout pour une ancienne grenouille de bénitier. On sent que là, il n'a pas travaillé le changement du personnage. Hein, bon. Bref, elle. Alors Coelho est content, non, pardon, Octave est très content, il rentre chez Coelho, il lui dit, allez voir Marianne, et vous serez son amant. Bah, cet idiot d'Octave a oublié de lui expliquer que Marianne ne s'attend pas à la venue de Coelho, après ce qu'elle lui a dit, elle ne peut pas s'attendre à ça. Et en fait, même elle s'attend à Octave, parce qu'elle est persuadée que Octave va saisir la balle au bond. Chose qu'Octave ne va pas faire. Parce qu'il est effectivement fidèle en amitié à son ami. Donc, il rentre et il dit à Coelho qu'il aurait pu, qu'il peut y aller. Et qu'il va manger chez lui. Bon. Coelho, il part. Pendant ce temps-là, Octave se dit, oh là là, si ça se trouve, j'aurais pu avec elle, mais bon. Je crois qu'il y a cette phrase-là, ça vérifie. Coelho se rend chez Marianne, et là. En fait, le mari a fait poster des spadassins tout autour de la maison pour tuer celui qui viendra séduire sa femme. Marianne est au courant et à travers la persienne, enfin bon, vraiment, elle prévient et elle dit, quand elle voit un homme arriver, elle dit, Octave, Octave, revenez un autre jour, pas ce soir, c'est trop dangereux. Mon mari veut vous tuer, bon. Mais elle n'a pas vu que c'était Coelho, enfin qu'elle ne connaît pas d'ailleurs. Mais enfin, elle n'a pas reconnu Octave non plus. Mais enfin, elle parle à Octave. Et là, du coup, Coelho se croit trahi. Parce que, d'ailleurs, quelqu'un a fait germer cette idée dans sa tête. Je crois que c'est la petite vieille qu'il avait payée au départ. La vieille femme. Et du coup, il la croit. Il voulait pas la croire, mais d'un coup, il la croit. Parce que forcément, là, il a des indices. Alors, Coelho se dit, bon, bah, puisque c'est comme ça. Sois heureux, Octave, je vais mourir et ça fera ton bonheur. L'horreur, quoi. Et il se laisse attraper par les spadassins. Là, on n'a aucun détail, hein, mais il se fait tuer, en fait. Effectivement, il se fait tuer. Et ensuite, on a Octave et Marianne sur la tombe de Coelho qui parlent. Coelho se lamente en disant, en prêtant encore à Coelho toutes les vertus. Et Octave, donc Octave se lamente et dit qu'il est nul, lui, par rapport à Coelho, voilà, qu'il mérite pas de mourir et que voilà, que son amitié, voilà, tout ça. C'est lui qui devrait être mort à la place de Coelho. Et là, Marianne lui dit, mais enfin, je pourrais vous aimer, en fait. Et lui, il la repousse. Il lui dit, mais ce n'est pas vous que j'aime. Donc c'est marrant parce que là aussi, c'est un point peut-être un petit peu peut-être nouveau, enfin, qui est pas si. C'est l'anti-héros romantique, l'anti-héros romantique. C'est-à-dire que le héros, c'est celui qui est lucide, qui est malin, qui aime la vie, mais qui ne se prête pas de trop aux sentiments, complètement de tomber des nues, des nimbles, là, éthérés, parce que Octave, c'est lui qui agit, c'est. Voilà, c'est lui qui a été capable de parler. C'est un petit peu le syndrome de Cyrano aussi, hein. Voilà, c'est celui qui parle. Cyrano parlait pour les autres, là, c'est Octave, et c'est lui qu'on aime. Bon, en cela, c'est un peu la même idée. Et c'est celui qui parle pour l'autre qui finit par séduire, parce que finalement, il faut plus de talent pour parler. Voilà. Donc là aussi, c'est l'autre idée. Alors, je vais prendre un peu. Voilà, c'est la lucidité contre les illusions. À un moment, d'ailleurs, je crois que c'est Octave qui parle de Coelho en disant, ah, c'était merveilleux. Il voyait les illusions, mais choisissait d'y croire. Ben, en attendant, c'est pas ça qui séduit Marianne. C'est l'inverse. C'est de l'homme lucide. Cela dit, elle connaissait pas l'autre, encore une fois, mais bon. Là, on se met plutôt à la place de l'auteur. Alors, et l'autre point. Trompeuse préférée de Coelho. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, les illusions trompeuses de Coelho. Page 87. Alors, est-ce que je vais retrouver le passage? Oui. Donc, c'est Octave qui parle de Coelho sur sa tombe. C'était un homme d'un autre temps. Il connaissait les plaisirs et leur préférait la solitude. Il savait combien les illusions sont trompeuses et il préférait ses illusions à la réalité. Elle eût été heureuse, la femme qui l'eût aimé. Alors déjà, c'est amusant, un homme d'un autre temps. Effectivement, d'un autre temps, parce que Marianne, c'est pas Coelho qui a choisi. Enfin bon, c'est juste amusant comme ça. Et là, Marianne lui répond, ne serait-elle point heureuse, Octave, la femme qui t'aimerait? Et puis là, Octave dit, mais non, moi je ne sais pas aimer, Coelho seul le savait, etc. Et lui, il dit que ça. Octave parle de lui. Il dit, ma gaieté est comme le masque d'un histrion. Mon cœur est plus vieux qu'elle. Mes sens blasés n'en veulent plus. Je ne suis qu'un lâche. Sa mort n'est point vengée. Et là, Marianne, comment aurait-elle pu l'être, à moins de risquer votre vie? Claudio est trop vieux pour accepter un duel et trop puissant dans cette ville pour rien craindre de vous. Et là, Octave dit que Coelho l'aurait vengée. Il dit au revoir à sa gaieté, à sa jeunesse, insouciant de folie, etc. Adieu, Naples et ses femmes, les mascarades à la lueur des torches, les longs soupers. Oui, on n'est pas à. Roméo et Juliette, c'était en Italie, c'était dans la bonne ville de. Modène? Non, non, non, je dis des bêtises. En tout cas, là, c'est à Naples que ça se passe. Voilà, les longs soupers à l'ombre des forêts. Adieu, l'amour et l'amitié, ma place est vide sur la terre. Et là, Marianne répond, mais non pas dans mon cœur, Octave. Pourquoi dis-tu adieu, l'amour? Et là, Octave répond, alors là, c'est là qu'il est sublime, finalement. Repousser une femme, sans doute pas uniquement par dépit d'avoir perdu Coelho, mais par droiture, finalement. C'est lui qui est droit. Et il lui répond, je ne vous aime pas, Marianne. C'était Coelho qui vous aimait. Voilà. Fallait quand même qu'elle l'entende depuis le temps. Hein. Voilà, mais elle n'a pas voulu. Bon, ben voilà, bien fait. Bien fait. Alors, petit passage que j'ai noté. Je ne sais pas si c'était particulièrement beau, mais je vais quand même. Coelho qui dit à Octave, que tu es heureux d'être fou. Et Octave répond, que que tu es fou de ne pas être heureux. Dis-moi un peu, toi, qu'est-ce qui te manque ? Il me manque le repos, la douce insouciance qui fait de la vie un miroir où tous les objets se peignent un instant et sur lequel tout glisse. Une dette pour moi est un remords. L'amour dont vous autres vous faites un passe-temps trouble ma vie entière. Ô mon ami, tu ignoreras toujours ce que c'est qu'aimer comme moi. Mon cabinet d'études est désert. Depuis un mois, j'erre autour de cette maison la nuit et le jour, etc., etc. Je trouve ça assez intéressant. En gros, il fait de tout. Tout devient un drame pour Coelho. C'est vrai que c'est pas finalement très excitant. Hein. On se dit, oulala, personnage est pas très drôle finalement. Voilà. Donc, un autre petit passage. Ah oui, Coelho, à un moment, il a honte, il raconte ses histoires d'amour à Octave, il dit « Faut-il te parler franchement ? Ne te riras-tu pas de moi ?» Et là, Octave, c'est une réponse toute simple, mais que j'adore. « Laisse-moi rire de toi et parle franchement. » J'adore. C'est vrai qu'on devrait répondre ça. « Non, tu vas te moquer. » Bah oui, mais continue. Je trouve ça assez bien. Enfin, voilà. Alors, et autre citation. Alors, c'est Marianne. Je crois que c'est le passage sur justement la liberté que moi je ressentais comme tel. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes ? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Coelho m'aime, et où qu'il croit m'aimer, lequel Coelho le dit à ses amis, lesquels amis décrètent à leur tour que, sous peine de mort, je serai sa maîtresse. Mais elle a toujours pas vu Coelho, c'est quand même pas mal, c'est vrai. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant, chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit seigneur Coelho d'ici à une huitaine de jours. Pesez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi ? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à point nommé, à l'heure convenue, à une pareille proposition ? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer au doigt ? Et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire. Une pute, quoi, hein ? Une salope ! Si elle refuse, au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable ? Est-il une statue plus froide qu'elle ? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum ?» Voilà, elle serait aussi mise à la vindicte par les pieux. Si elle refusait, par les gens vertueux et pieux et bigots, avec le livre de messe à la main. Donc la pauvre, elle est foutue, quoi, hein, la peste ou le choléra. Mais je trouve qu'elle dit bien la chose, et puis en plus, au début, je trouve que la présentation est assez croustillante. Voilà, donc une petite pièce trop sympa, ça met, ça déplace dans une époque, quoi. Ça fait voyager. Et puis, bah, c'est bien écrit, bien sûr, même si je suis pas tombé en extase, malgré tout. C'est déjà moderne, hein. On n'est plus du tout dans le théâtre classique. On n'est pas dans du Racine, on n'est pas dans du Corneille, hein, voilà, ou du Molière. C'est beaucoup plus moderne. C'est des dialogues, quoi. C'est de la. Bon, bien sûr, c'est beau, mais c'est pas. On n'est plus dans les vers. On est plus. Voilà. Donc c'était Les Caprices de Marianne de Musset.